flip. Tiffy a toujours on flick. Bubble and girl, thematic. Bubble and girl, thematic. Tick, tick, thematic. Tick, tick, yeah, thematic. Tick, tick, yeah, thematic. Tick, tick, tick. Boss Marco, gère ta go. Gestion 9, on comprend nous, c'est El Chapo. Parvex go, flex papo. Gère ta vie pendant que je gère l'amour. Gère l'amour, je gère l'amour. No, ich liebe dich, no, te amo. Yes, I know, yes, I know. Ça parle beaucoup, mais ça dort. Batman n'est pas slip. La chou veut pas de toi, range ton slip. Tiffy a toujours un flic. Bubble and girl, thématic. Bubble and girl, thématic. Tic, tic, tic, thématic. Tic, tic, ya, thématic. Tic, tic, ya, thématic. Tic, tic, tic. Bah, moi, on fait alcool. Pour caser un dance, on se retrouve comme alcool. Warning à suivre en les magnum. Warning à suivre en les magnum. Bambo catchy call bad boy. She want on you call your mom. DJ Lala pour fire bun. T'as ni fait la dance, solo c'est la bonne. N'est pas slip. La chou veut pas de toi, range ton slip.